va parler on sait que les Saguenay de Chicoutimi, ben, la saison est maintenant chose du passé. Par contre, il y a un gars qui vient de Chambord qui joue encore au hockey, c'est Jérôme Gravel. Et Jérôme Gravel, c'est un défenseur défensif et on lui parle. Salut Jérôme! Bonjour, Damien. Jérôme, avec les Tigres de Victoriaville, j'écoutais ce matin les gens à Québec qui avaient été à Victoriaville en fin de semaine au match. Ça me dit que la ville est hockey. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Oui, effectivement, là, c'est l'ambiance à Victo, c'est incroyable. Là. Soir après soir, l'aréna est pleine. Puis partout où on se promène dans la ville, que ce soit au Tim Hortons, dans différents restaurants, on entend parler des tics partout. Là. C'est vraiment incroyable comme expérience. OK. Toi, si on parlait un peu contre les Voltigeurs de Drummondville, cette série-là, c'est terminé hier. Il y avait quand même une belle rivalité entre les deux, parce que c'est quoi? C'est une demi-heure de route entre les deux? Oui, c'est ça. C'est à peu près là, une quarantaine de minutes entre les deux villes. Puis, tu sais, notamment, là, on avait des autobus de fans pour aller à Drummond. Puis l'inverse est aussi vrai. Là. Donc, tu sais, juste après la partie hier là, qui s'est terminée contre les Voltigeurs, on avait un bon groupe de fans qui nous attendaient à l'aréna. Puis, tu sais, c'est toujours le fun, de même étant sur la route, de pouvoir célébrer avec ses fans. OK. Dis-moi, dans la série contre les Voltigeurs, quel rôle t'as joué? Est-ce que t'as joué quand même pas mal de matchs? Dans le fond, là, la série, c'est seulement 5 matchs. Là, puis, Ouais, je sais. j'ai joué tous les matchs. J'ai joué pas mal le même rôle là, que tout au long de la saison. Tu sais, j'étais assez bien établi dans le top 4 de l'équipe. Je joue quand même des grosses minutes à tous les soirs. Puis, tu sais, j'ai encore une fois joué mon rôle défensif. J'étais allé chercher des grosses minutes aussi en désavantage numérique sur la deuxième unité. Puis, c'est ça. Surtout en fin de match, dans des games serrés. Tu sais, comme hier, en troisième période, quand t'es plus 1 puis 2 à 0. C'est là que j'allais chercher les grosses minutes pour l'équipe. OK. Si on parlait un peu de ta saison dans l'ensemble, comment t'as trouvé ça? Est-ce que t'es content de la saison? C'est sûr que, écoute, là, t'es rendu en demi-finale des Jeux majeurs du Québec. C'est sûr que tu dois sûrement être content, mais toi, personnellement? C'est certain là, que ça a été un franc succès. Là, honnêtement, ma saison, au début, j'avais plus un rôle plus effacé. J'évoluais surtout dans le top 6. Puis j'ai eu, bon, le mois d'octobre, j'ai eu une porte qui s'est ouverte à moi. Puis je pense que j'ai saisi l'opportunité grandement. Puis j'ai même, pendant un bon moment, j'ai évolué dans le top 2 de l'équipe. Puis ensuite, avec les transactions qu'on était allé chercher en Noël, je me suis trouvé avec un bon rôle. C'est sûr que en tant que jeune de 18 ans, je suis vraiment content d'avoir un rôle dans le top 4. Là. Puis, veux pas, c'est une saison qui m'a permis aussi de débloquer offensivement. Tu sais, je suis pas un défenseur à caractère offensif, mais tu sais, d'aller chercher une vingtaine de points pour moi cette saison, c'est très très bon. Là. Fait que dans l'ensemble, je suis content. Puis au niveau de l'équipe, on a eu des bons résultats, puis on est rendu dans le corridor de la ligue. Fait que tu sais, tout va pour le mieux. Là. OK, c'est sûr que toi, c'est ton jeu, c'est de jouer physique, c'est de faire sentir ta présence physiquement, parce qu'à 6 pieds 5, 200, quoi, 200 livres à peu près? J'étais à 6 pieds 1, 205. Oh, OK, je pensais que tu étais plus grand que ça. Excuse-moi, je pensais que tu étais plus grand que ça, mais c'est quand même assez grand pour un junior, là. OK, donc c'est de jouer un rôle physique. C'est ça ton rôle, là. Ouais, exactement. C'est de pied des lancers, c'est de compléter. Mais il faut que je sois difficile à jouer contre, puis défensivement, il faut que je sois impeccable. Je vais jouer souvent contre les grosses unités de l'autre côté, puis je suis campé dans un rôle défensif. OK. Dis-moi, contre Acadie Batters, comment tu vois ça? C'est certain que ça va être une excellente série, là. On est deux équipes un peu bâties de la même manière, puis je pense honnêtement qu'en se concentrant sur nous, puis en jouant du bon hockey comme on fait dernièrement, on a moyen d'être en contrôle dans cette série-là. Puis ça va être d'appliquer d'envoyer beaucoup de lancers au filet, puis de jouer dans notre structure, puis d'être résilient comme on est depuis le début, là. OK, c'est sûr que contre Acadie Batters, écoute, c'est quand même une grosse équipe. Les deux équipes ont fait des transactions pour se rendre là. Donc, c'est pour se rendre à tout le moins dans le corridor. Ouais. Parle-moi de Louis Robitaille comme entraîneur-chef. Moi, honnêtement, là, c'est vraiment un entraîneur que j'apprécie beaucoup. Là. Tu sais, depuis que je savais à Victoriaville, au début de la saison, On a eu plusieurs bonnes discussions par rapport à mon rôle. C'est un coach qui est très intense, un coach qui est un bon communicateur aussi. T'sais, on sent il y a vraiment une proximité avec ses joueurs. Puis lui, à n'importe quel moment, s'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, c'est un gars qui est très très humain. Puis c'est facile de cogner à son bureau puis d'aller y parler. Puis d'un autre côté, c'est un gars qui est très intense. Il coach avec ses émotions. Puis c'est un entraîneur qui a joué longtemps au hockey. Il a joué dans le national. Comment la game fonctionne. C'était aussi un joueur robuste. Là, fait que, d'un autre perspective, puis, c'est facile pour lui de comprendre mon style de jeu. Puis, quand les gars travaillent fort, ils nous en donnent. Fait que, c'est un excellent entraîneur. OK. Ben, Jérôme, on va te souhaiter la meilleure des chances dans cette série contre Acadie Batters. Ce serait le fun d'une finale toute québécoise. Victoriaville contre Blainville-Boisbriand. Puis au plaisir de se reparler peut-être cet été pour parler de ta saison. Bon, ben, merci beaucoup. Jérôme Gravel de Chambord qui s'aligne avec les Tigres de Victoriaville.